réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Nous sommes le mardi 5 avril 2016, un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec au programme un historien, Shlomo Sand, pour parler des intellectuels français, une histoire des intellectuels français, dans un instant, deuxième épisode. Et puis en deuxième partie, je reçois Caroline Brouet, que vous connaissez, puisque c'est la productrice de La Grande Table, mais elle sort un livre aussi. Un livre, un roman, un premier roman chez Sabine Weisbisser qui a pour titre « De ce pas, on en parle aux alentours de 6h15 ». Mais pour commencer, tête chercheuse avec l'historien Shlomo Sand. Les intellectuels français, une histoire à écrire. Bonjour Shlomo Sand. Bonjour. On a parlé hier des intellectuels avant même que le terme intellectuel ne soit installé. On a parlé de Rousseau, de Voltaire, de Condorcet. Aujourd'hui, s'il fallait parler de la définition de l'intellectuel au 19e siècle, est-ce qu'il concerne que les hommes de lettres ou est-ce qu'il est élargi aussi bien aux savants, aux hommes de science ? Et vers la fin du 19e siècle, les savants apparaissent plus en plus une figure importante pour la modernité sociale et économique. Déjà, chez Auguste Comte, c'est-à-dire il met en avant les savants comme les rois de l'époque. D'ailleurs, je n'ai pas mentionné, dans le 19e siècle, il y a Victor Hugo, il y a aussi Auguste Comte, qui, à mon avis, il joue un rôle important dans le savoir français et mondial parce que, en fin de compte, il invente les sciences sociales. Donc, si vous voulez, les figures des savants modernes, à partir de Auguste Comte jusqu'à l'affaire Dreyfus, prend plus en plus une place importante dans la vie publique. C'est-à-dire, Auguste Comte a des idées sur les pouvoirs, sur le régime, sur beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans son coin et décrit les classes sociales. C'est quelqu'un qui pense qu'est-ce qu'il faut faire avec les classes sociales. C'est l'avantage de ces intellectuels ou pré-intellectuels du 19e siècle qu'ils osent faire des grandes synthèses. Donc, ça fait qu'ils peuvent commettre beaucoup de fautes, de jugements, etc. Mais ils osent, ces gens-là, de proposer des synthèses. Et comme nous avons Marx en Allemagne, on a, par exemple, Auguste Comte en France, qui va bâtir la sociologie moderne. Et aussi, si vous voulez, je crois, comme j'ai mentionné les intellectuels conservateurs, ceux qui sont hors de la hégémonie de cette époque. Il faut mentionner Tocqueville. À mon avis, Tocqueville, c'est une des grandes intellectuelles de la France qui a bâti une pensée politique très importante et qui était critique, et très critique en face de la Révolution, très critique en face de certaines évolution moderne. Donc, Alexis de Tocqueville, à côté d'Auguste Comte, sont des figures très importantes. Et à mon avis, on peut appliquer le mot savant. Des savants qui pensent sur la généralité et sur la société en cours. Vers la fin du 19e siècle, si vous voulez, comme se cristallise l'idée des intellectuels collectifs, avec l'affaire Dreyfus. Et je me souviens comme le terme a apparu, c'est-à-dire on utilise intellectuel, et Paul Valéry est très très fâché. Et il croit que utiliser les mots intellectuels, c'est assez idiot. Et Paul Valéry, par exemple, et aussi Barès. Mais on est devant événements importants. À 95, il y a les premières affaires Dreyfus. Parce qu'en général, on parle affaires Dreyfus, on oublie qu'il y a deux affaires. Un officier alsacien d'origine juive est accusé d'espionnage et on le nomme comme le grand traître de la nation française. Je parle sur 94-95. Pendant trois ans, tous les journaux, tous les intellectuels de cette époque sont sûrs qu'il est coupable et il ne faut pas le défendre. Et parce qu'il est juif, et en plus, c'est sûr qu'il est un traître. Parce que qu'est-ce que... un juif est, pour les longues traditions anti-juifs et catholiques et des autres, il est coupable. 95, tous les journaux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des intellectuels, et j'ose les nommer intellectuels, les noms comme Drummond, si vous voulez, qui a écrit en 1886 cet ouvrage qui s'appelle « La France juive ». Donc, pendant trois ans, de 95 jusqu'à 98, qui domine, qui est hégémonique dans la scène publique intellectuelle, c'est des journalistes, essayistes de grande qualité parfois. Barrès est un grand écrivain. Et qu'ils sont judophobes. Et c'est ça le ton à ces années-là. Et soudain, en janvier 98, un écrivain qui s'appelle Émile Zola publie ce fameux article « J'accuse ». Et qui sort en défense de cet officier en proposant qu'il n'est pas coupable, que c'est un fruit de bêtises plus d'antisémitisme. Et J'accuse de Zola devient un pamphlet très important qui fait mobiliser autour de lui plus en plus des intellectuels qui croient que l'armée française et les pouvoirs en France font des mensonges et justement il accuse un innocent. Et un écrivain comme Anatole France qui se mobilise à côté de Zola et aussi des savants comme Durkheim et des autres, les nouveaux savants, les nouveaux sociologues. Et voilà, il y a un camp qui s'élargit plus en plus en plus. Alors qu'en face, il faut rappeler Maurice Barrès, Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Valéry. Jules Verne. Jules Verne, c'est un anti-Dreyfusard. Donc le camp est divisé entre deux groupes. Voilà un champ de bataille. Paris, le quartier latin, entre deux sortes d'intellectuels. Et qui gagne? C'est le camp protestateur qui a commencé à changer les opinions publiques et qui fait une alliance avec certaines couches politiques comme Clemenceau et des autres. Et en fin de compte, cette France, si vous voulez, républicaine, arrive à battre l'antisémitisme qui était justement trois ans auparavant à l'ordre des jours. Il faut comprendre que l'antisémitisme, la judophobie, je préfère le terme judophobie, n'était pas de droite ou de gauche. C'est la droite et c'est la gauche qui est judophobe. C'est-à-dire, si je vois les déclarations des socialistes, à 95, 96 et même à 98, la plupart des gens de gauche, comme des gens de droite, si vous voulez, sont anti-Dreyfusards. Mais dans les deux camps, si vous voulez, apparaissent des résistances nouvelles qui s'attache aussi avec les idées universalistes. Et il bat la route de l'antisémitisme et il fait naître une nouvelle alliance avec une couche politique républicaine qui va faire que jusqu'à, si vous voulez, l'année 30, il y a certaines hégémonies des intellectuels plutôt, je peux dire, de gauche et plutôt qui s'appuient sur un certain rationalisme et le principe républicain universaliste. Donc, l'affaire Dreyfus, chose importante, qui fait apparaître pas seulement l'intellectuel critique face au pouvoir, mais aussi l'intellectuel collectif, qui n'a pas existé à l'époque de Hugo et ni à l'époque de Rousseau, parce que ce n'est pas seulement qu'on écrit des articles dans les journaux, ce n'est pas seulement qu'on essaie de conquérir les médias, mais c'est aussi on signe des pétitions, on sort des manifestations. Il y a des groupes de gens intellectuels, qui, entre eux, il y a Peggy que j'ai mentionné, et Léon Blum, et beaucoup d'autres. Mais à cette époque, à partir de l'affaire Dreyfus, les nouvelles revues françaises qui, après Gide, va être les grands prêtres de cette tendance de revue, et naissent avec l'affaire Dreyfus, et va se développer les années plus tard, et jouer un rôle important dans la formation idéologique des classes supérieures françaises. Et moi, je suis très, très critique en face de la plupart de ces intellectuels Dreyfusards qui, en 1914, vont devenir la plupart des intellectuels va-t-en-guerre, on dit en français. Va-t-en-guerre, c'est-à-dire qu'ils supportent la nation française dans la guerre et des grands philosophes comme Bergson, un grand sociologue comme Durkheim, en France, et l'autre côté, c'est Weber, des grands intellectuels allemands, tous s'engagent pour battre, pas des réactionnaires, des conservateurs, des autres, mais battre des autres, des nations voisines. Donc, si vous voulez, oui, pensez sur Bergson, le grand philosophe Bergson du début du XXe siècle, qui s'engage au fond d'essayer de mobiliser tout le monde pour la patrie. Les intellectuels français, une histoire à écrire, c'est toute cette semaine avec Shlomo Sand. On se retrouve demain pour le troisième épisode et demain on parlera des intellectuels engagés. À demain. À demain. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Elle anime et produit La Grande Table sur France Culture tous les jours à midi. Elle s'est réveillée plus tôt ce matin pour nous parler de son premier roman. Bonjour. Bonjour Toufik. De ce pas, Paris, chez Sabine Vespisser. Mon invitée ce matin, vous l'avez reconnue, c'est Caroline Brouet. Ça aurait pu être juste un roman d'amour. L'histoire d'une passion amoureuse entre deux artistes. Elle, danseuse étoile, lui, photographe. Un roman d'amour comme on aime les lire sous un ciel bleu, où les jeunes protagonistes font fi de leur passé et de leurs attaches culturelles pour avancer. Cette histoire d'amour est contenue dans le roman, mais elle appartient déjà au passé quand le récit commence. C'est donc un autre roman. Le sujet de votre livre est comment cet amour exemplaire va réagir au temps qui passe. Quand les amants deviennent parents, quand la peur du futur fait ressurgir le passé refoulé, quand, à 40 ans, on se pose des questions sur la transmission. L'amour qui affronte l'épreuve du temps qui passe, la place de la culture et de la mémoire dans le monde d'aujourd'hui sont abordés d'une manière délicate dans ce premier roman. Si on devait parler de l'idée de départ, Caroline Brouet. On parlerait du Cambodge, dont est originaire le personnage principal qui s'appelle Marjorie. Mmh, on va parler de Marjorie, effectivement. On parlerait du Cambodge parce que je pense que l'origine de ce livre est un voyage que j'ai fait au Cambodge il y a à peu près 20 ans. Et qui est un voyage qui m'a bouleversée, qui m'a profondément marquée, qui a fait qu'ensuite je me suis documentée sur le pays, sur son histoire, sur ce génocide qu'a connu ce pays dans à la fin des années 60-70, enfin 75-79. Et j'ai lu des livres, j'ai vu des films. Et il se trouve qu'en plus là-bas, quand j'étais au Cambodge, j'ai vu un spectacle de danse d'Apsara, dont j'ai encore des stigmates, des images dans la tête, à Angkor Wat, dans l'un des temples d'Angkor Wat. Voilà, je pense, l'origine. C'est moins une idée qu'une image, des images, des sensations. Mais l'envie d'écrire ce texte, qui est votre premier roman, Caroline Brouet, c'est pas justement le questionnement de qu'est-ce qu'on a fait de nos années d'insouciance, de jeunesse, quand on était jeune, quand on était fort, quand on pouvait justement se dire qu'on peut se détacher de tout, de notre passé, de notre trauma, parce qu'on va parler de Marjorie, mais aussi de ses attaches culturelles. C'est aussi le sujet du roman. C'est le sujet du roman, Toufik, vous avez entièrement raison. C'est un roman qui parle sans doute à la fois d'un âge, qui est l'âge de la quarantaine, peu importe que ce soit 40, 35, 45, enfin même peut-être 50, ça dépend des gens. Il se trouve que pour le personnage principal qui est Marjorie et qui entraîne dans sa réflexion son amour qui est Paul, c'est 40 ans, c'est un tournant. Mais c'est un tournant aussi parce qu'elle doit arrêter de danser pour des raisons médicales. Donc elle est obligée à un moment de se poser alors qu'elle avait toujours avancé. Elle avait toujours choisi d'aller de l'avant, seule d'abord, puis avec Paul, et ils s'étaient construits l'un et l'autre, avec l'autre, sur un oubli ou une négligence du passé. Ou une rupture. Mais c'est un âge qui fait qu'on est rattrapé par un passé, peut-être parfois qu'on a nié ou qu'on a fui ou avec lequel en tous les cas on a rompu. Pourquoi? Parce qu'elle a une fille de 5 ans, parce que déjà l'idée de la transmission commence à pointer son nez, qu'il va falloir aussi se coltiner cette question, que raconter aux enfants, qu'est-ce qu'il faut leur transmettre? Oui, la transmission absolument, et il y a un autre personnage que je ne dévoilerai pas mais qui est fondamental pour moi dans ce roman, qui est aussi dans la transmission et qui transmet une forme de résistance et de sagesse. sagesse. Oui, parce que à cet âge-là, sans doute, quand on commence à avoir des enfants, on n'est plus tout à fait les mêmes et notre passé nous rattrape. C'est-à-dire, nous, quand on était enfant, la façon dont nos parents nous ont éduqués ou nous ont transmis des choses qui leur semblaient importantes résonne ou revient en force sans qu'on ait convoqué quoi que ce soit quand on est nous-mêmes parents. Peut-être, il y a de ça. Mais en fait, il n'y a pas une seule raison. Il y en a sans doute plusieurs. Il y a aussi l'origine de Marjorie. Il y a sa culture d'origine qu'elle avait mis de côté et puis qui remonte. Tout remonte, en fait, à la surface. Mais c'est un roman sur cet âge de transition. Et je pense que derrière cet âge, c'est aussi un roman, en tous les cas, c'est ce que j'ai voulu faire, un roman qui parle de notre temps. C'est-à-dire de cet âge, 40 ans, aujourd'hui. Autrement dit, d'une génération. C'est pas un roman générationnel, mais c'est un roman qui met en scène des personnages. Et là, c'est moi qui ai cet âge-là aujourd'hui, avec une forme d'impuissance. C'est un roman qui parle de la quête de cette femme qui a besoin de trouver une issue à une forme d'impuissance individuelle et collective qu'elle éprouve dans le monde. Et Paul est dans cette situation-là aussi. Paul a lui-même fui sa famille et s'est construit sur la rupture avec son passé, avec ses origines familiales, pour plein d'autres raisons. Et le questionnement, les doutes, la réflexion personnelle qu'entame Marjorie entraîne Paul dans son sillon. Et cette réflexion sur lui-même est l'occasion pour lui de s'interroger sur ce qu'il veut faire. Photographe, s'est réfugié dans le silence, c'est la seule façon qu'il a trouvé de se construire. Mais il a toujours rêvé d'être éloquent. Il est un grand idéaliste. Et dans le monde qui est le leur, qui est le nôtre en fait, l'idéalisme n'a pas bonne presse, le lyrisme n'a pas bonne presse, c'est le cynisme qui l'emporte. Et donc il se prend à rêver, Paul, de grandes envolées lyriques et de pouvoir changer le monde et de s'engager en politique, mais il est incapable parce qu'il lui manque la parole. Voilà, le roman parle aussi de ça. Alors justement, le manque de parole, chez vous, ça devient, vous, femme de radio, dans Caroline Brouet, ça devient très important puisque l'amour qui lie Marjorie et Paul se passe de mots, justement. Et vous dites que c'est ça qui fait la force de ce lien amoureux. Oui, ça fait la force de ce lien amoureux parce que ils se comprennent sans avoir besoin de se parler. On parle trop, de toute façon, dans notre société. On dit trop de choses. On n'a pas besoin. Là, je vous regarde, je pourrais me taire. Bon, on est à la radio, on est obligé de dire des choses. Mais ça passe par les yeux. C'est une compréhension qui passe par le corps. Ça passe par des silences qui en disent beaucoup sur qui on est, comment on se construit. Et puis en l'occurrence, eux, chacun à sa façon a réussi à se construire à travers son art. La photographie, vous l'avez dit, pour Paul, et la danse pour Marjorie. Et la danse, c'est un langage à part entière. La danse parle pour vous. La danse exprime des choses que les mots même parfois n'arrivent pas à dire, émeuvent de telle façon que si vous commencez à parler, vous cassez tout, par exemple. Alors on va parler justement de la danse dans un instant, mais tout d'abord parlons du personnage qui, lui, vous lui avez donné la parole, c'est-à-dire, il y a bien sûr Marjorie, il y a Paul, donc le couple, mais il y a aussi cet ami qui est tout à la fois la mauvaise conscience de Marjorie et son amie, Coralie. Coralie, vous l'avez très bien dit, c'est la mauvaise conscience de Marjorie. Coralie, quand je l'ai inventée, en fait, je me suis dit, ça devrait être la Jiminy Cricket de Marjorie. C'est le personnage européen. Elle incarne. Oh, elle peut être pénible, Coralie, parce que pour le coup, Coralie, elle parle tout le temps. Elle parle d'elle. Elle se plaint. Et c'est quelqu'un qui a peur. Et là aussi, on rejoint des thématique des sujets de notre temps d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur. Elle a peur de tout. Elle est à un âge, elle aussi, elle a une quarantaine d'années. Elle a un âge où elle s'interroge sur qui elle est, mais surtout sur cette peur qui la taraude en permanence. Et Coralie ne cesse de parler à Marjorie, mais elle n'existe finalement dans le livre que dans l'esprit de Coralie à travers les mots de Coralie. Et je voulais qu'on laisse ce doute. 1, 2, 3, 4. Et on suit la main du regard. 6, on joue pas avec le bras. Doucement le bras. 1, 2, 3. Lundi 27 janvier, 16h. Route numéro 5, à 12 km de Phnom Penh. Assemblée. Assemblée dessous. Assemblée dessus. Attitude en arrière, crossée. Les forces révolutionnaires tiennent la quasi-totalité de la campagne cambodgienne. Les orteils, le ventre, les fesses, l'épaule, la jambe. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Si on frotte bien, j'aimerais bien entendre le glissement de vos pieds le long du parquet. 5, 6, 7 et 8. Et Caroline Brouet, dans ce premier roman de ce pas, il y a la guerre au Cambodge, qui revient en force, parce que c'est le passé que Marjorie, qui ne s'appelle pas Marjorie en réalité, voulait oublier. Mais il y a aussi des passages consacrés à la danse, comme si vous nous avez parlé de votre voyage au Cambodge. Je présume que c'est à partir de ce voyage-là, un voyage que vous avez fait il y a une vingtaine d'années, donc que vous vouliez parler de ce pays et de son histoire, mais pour la danse. Oui, mais finalement, même, c'est vrai qu'elle vient de, elle vient du Cambodge. Il se trouve que pour moi, le Cambodge a été très important, mais elle pourrait venir d'ailleurs. Ouais. L'idée, c'est aussi de savoir comment on se construit avec ce qu'on est. C'est un roman qui se passe, vous l'avez vu, Toufik, un peu partout dans le monde, parce que dans notre monde, on bouge beaucoup. C'est très beau ce passage, ce montage sonore que vous avez fait avec votre réalisateur. Thomas Duterre. Avec Thomas Duterre. Parce que on pourrait penser qu'il y a des grands écarts de faits. Or, il faut se rappeler qu'au Cambodge, avant le génocide, il y avait un ballet du Cambodge, le ballet royal du Cambodge. Et en fait, la mère de Marjorie, qui s'appelait Tin à l'époque, en effet, était danseuse dans ce ballet royal. Et ce ballet royal a été décimé par le Cambodge. Et il renaît de ses cendres tant bien que mal depuis une trentaine d'années. Donc c'est très beau, ce mélange. Et ce qui est très beau aussi, c'est cette description de danse, de cours de danse, mais aussi d'une danseuse. Est-ce que vous voulez lire un extrait de ce roman, Caroline Brouet? Je vous ai choisi un extrait où vous parlez justement de Marjorie, danseuse étoile. Avec plaisir. Les années à l'opéra ont laissé des empreintes sur le corps de Marjorie, à tel point que tout en elle évoque la danse. Son gracieux pas de biche, son port de tête altier, son dos cambré, l'arc de sa bouche, la ligne de sa hanche, l'ondulation de ses longs cheveux noirs, la courbe de ses bras. Des bras fins qui flottent dans les airs au rythme de ses mots, des mains délicates qui tourbillonnent au-dessus de sa tête, des poignets souples qui jouent les arabesques, des coudes nerveux qui voltigent, des doigts effilés qui pianotent devant son nez. Chaque intonation, chaque mouvement d'humeur s'accompagne chez Marjorie d'un geste précis du corps. Haussement d'épaules, léger déhanché, balancement du cou, roulement des yeux. Là, on voit bien que la danse est votre passion aussi, Caroline Brouet. Oui, j'aime beaucoup la danse. On peut rien vous cacher. Mm-hmm. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pendant 20 ans, quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais rêvé d'être danseuse. Je rêvais d'ailleurs de danse. Je rêvais que je faisais le grand écart. J'étais raide, très très raide comme un bâton. Est-ce que des grandes figures de la danse, que ce soit des danseuses, des danseurs ou même des chorégraphes, vous ont accompagné, vous ont inspiré pour écrire ce roman? Oui. Tout à fait. Il y a eu un spectacle d'ailleurs auquel je rends hommage à la fin du livre, qui est un spectacle de Caroline Carlson. Figurez-vous, il y a une vingtaine d'années, j'ai vu Signe de Caroline Carlson avec des peintures de Debré. Et la première fois que j'ai vu ce spectacle, il m'a profondément marqué. Alors après, c'est à des âges, les choses vous marquent et puis vous changez, vos goûts évoluent. Et je suis passée, à vrai dire, de Caroline Carlson à Pina Bausch. Pina Bausch m'a beaucoup accompagnée, en particulier pour l'écriture de ce roman. Et Matzek m'a énormément accompagnée aussi. Et on passe au questionnaire d'un autre jour avec Caroline Brouet, mon invitée ce matin. Première question. Le dernier spectacle de danse qui vous a subjugué? On parlait de Matzek, Toufik. Ouais. Figurez-vous que c'est la tournée d'adieu de Matzek que j'ai vue il y a quelques mois à peine. Il avait repris deux de ses spectacles les plus importants, Solo for Two et She Was Black, des spectacles qui ont une vingtaine d'années. Et il avait proposé une création toute récente d'un quart d'heure avec sa femme danseuse, Anna Laguna, un spectacle à deux, un duo qui s'appelle H. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Mais pourquoi? Parce que vous voyez le temple qui non, passe. Non, c'est la puissance d'émotion que peut dégager la danse. Alors ça parle pas à tout le monde, mais à vrai dire, quand la danse vous parle, c'est quelque chose que vous ne pouvez oublier. Deuxième question. La dernière fois que vous avez dansé, ça remonte à un peu plus quelques semaines. À quelle occasion, avec qui et sur quelle musique? C'est très précis. Alors, ça dépend si votre question c'est quand est-ce que vous avez dansé vraiment, fait de la danse. Ou quand est-ce que vous avez dansé? Non, danser comme on danse tous les jours, oui. Ah, danser comme on danse tous les jours. C'était lors de la fête d'un ami qui fêtait son intronisation comme professeur de médecine. Il avait fait une fête dans un bar parisien, puisque j'habite à Paris, et lui aussi, un bar parisien. Sur quelle musique? C'était de la musique mélangée, musique électronique. Je suis pas du tout nostalgique sur les musiques, sauf quand je suis en voiture. Donc c'est des musiques actuelles, groove, très groove. Ouais, et ça remonte à combien de temps? Quelques jours? Quelques semaines. Je sortais d'une attelle au pied, figurez-vous, j'avais très très envie de danser. Et donc, malgré l'attelle que j'avais enlevée une semaine auparavant, c'est reparti. Allez, troisième et dernière question. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous à la radio, parler de danse ou parler de photo? C'est une très bonne question parce que, alors d'abord c'est pas moi qui parle, ce sont les invités qui parlent, j'essaye au maximum, comme vous le faites là, de faire parler des invités. Les danseurs ou les chorégraphes ne sont pas les plus grands bavards, alors c'est pas bavard, mais au sens, ils ne parlent pas forcément très bien de leur travail, ils sont rares, et les photographes aussi. Et dans les deux cas, il faut réfuter par les mots, des gestes ou des images. Oui, mais quand les invités arrivent à le faire, que ce soit des chorégraphes ou que ce soit des photographes, c'est très beau. Parler de photographie, je fais des visites d'exposition avec des photographes, quand ils arrivent à décrire ce qu'on voit, c'est magnifique. Et bien c'est pareil avec les danseurs, quand ils arrivent à décrire leur gestique et ce qu'ils veulent traduire comme émotion ou comme récit ou comme idée à travers leur chorégraphie, c'est magnifique. De ce pas, c'est le titre du premier roman de Caroline Brouet, paru il y a quelques semaines chez Sabine Vespisser. Et c'est la fin de l'émission. Et l'autre tradition de cette émission, c'est de laisser l'invité nous faire le générique de fin. C'est à vous, Caroline. C'était un autre jour est possible, le réveil culturel quotidien pour les leftos, à retrouver sur franceculture.fr pour la réécoute en ligne ou pour s'abonner au podcast de l'émission. Une émission préparée par Anaïs Isebert et Pascaline Bonnet. Un autre jour est possible, c'est une émission de Toufik Hakem, réalisé par Thomas Duterre, avec ce matin à la technique Juliette Delperroux. On vous retrouve tout à l'heure, Caroline. Merci d'être venue si tôt ce matin. Merci beaucoup, Toufik Hakem. Et aujourd'hui, dans la grande table? Aujourd'hui, dans la grande table, à midi, ce sera la réalisatrice Mia Hansen-Love pour son film L'Avenir, qui sortira demain en salle. Cinéma, donc. D'ailleurs, nous aussi, on se retrouve demain pour parler cinéma, mais autour de quelques films de Julien Duvivier qui ressortent au cinéma, mais en version restaurée, en compagnie d'un spécialiste qui lui a consacré un livre, Éric Bonnefille. Et en première partie, c'est notre série consacrée à l'histoire des intellectuels français esquissée par Shlomo Sand. Merci Caroline, merci tout le monde. Bonne matinée sur France Culture. Merci.